et sans discours. Adieu, Polichinelle, des sans adieu, des départs sans retour. Et sans discours, adieu, Polichinelle, des sans adieu, des départs sans retour. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors, mon cher Christophe, cette semaine, on écoute qui ? Cette semaine, eh bien, nous écouterons Alain Musichini. Très bonne idée. Allez, samedi soir, c'est la fiesta. Arlette, que tu vas nous parler d'accordéon cette semaine. Eh oui, Hubert, l'accordéon, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais on n'a rien inventé de mieux pour faire danser. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est une dame que je vous présente, Chantal Soulu. Bien. Chanteuse, accordéoniste, mais aussi trompettiste. Elle a su très tôt quelle était sa voix. Après des études en informatique, Chantal a vite compris qu'elle était faite pour la musique. C'est une femme volontaire qui n'a pas pour habitude de se laisser dicter quoi que ce soit. Elle parcourt et fait danser la France entière. Voici un petit aperçu de son talent. La fauvette tyrolienne, Chantal Soulu. Thank you. On te retrouve tout à l'heure, Arlette. On va danser maintenant la valse viennoise, la fameuse valse de l'empereur. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Malili Hello. André Sylvain. Bonjour, jolie demoiselle. Malili, Malili Hello. Dans le bleu de tes prunelles sont les plus beaux joyaux. Mon cœur te trouve si belle, il veut chanter son amour. Et c'est ton prénom qu'il redit toujours, Malili, Malili, hello. Lili gentiment chantait en duo, Malili, Malili, hello. Demoiselle, Malili, Malili, hello. Dans le bleu de tes prunelles sont les plus beaux joyaux. Mon cœur te trouve si belle, il veut chanter son amour. Et c'est ton prénom qu'il redit toujours. Sorgia, Sorgia FM. Allez, je vous emmène dans un très bel endroit. Ça s'appelle Portofino. I found my love in Portofino, perché nei sogni crede ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino ma preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me, socchiudo gli occhi a me vicino, a Portofino, rive d'otte. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non sconderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Et maintenant, Arlette. Et maintenant, nous allons parler d'un petit jeune, à peine 20 ans. Mais quel personnage ! Étienne de Normandie. C'est à l'âge de 7 ans qu'Étienne choisit d'apprendre l'accordéon. À 12 ans, il fait son premier bal. Et c'est ainsi que l'aventure commence. À 13 ans, il sort son premier CD. Et depuis, il y en a 4 de plus. Voici La Grosse Noce, une chanson écrite par Gilbert Bécaud dans les années 60, reprise aujourd'hui par Étienne de Normandie et son orchestre, dont le nom est une invitation puisqu'il se nomme « Viens danser ». La Grosse Noce, Étienne de Normandie. Ça chante et ça danse, c'est comme un dimanche, on va rigoler. Et sonnent les cloches, sonnent pour la noce, ils sont mariés. Maman se désole, papa la console, à chacun son tour. Et vivent les filles qui perdent leur famille, mais gagnent l'amour. Au dessert on chante, chacun sa romance, même grand-papa qui a fait la guerre là-bas en Bavière, mais qui n'oublie pas. Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se dévorent des yeux, du bout des doigts. Quand nous aurons beaucoup d'argent, nous meublerons la maison comme celle du patron. Petit patapon, les belles servantes qui roulent des hanches passent les plateaux. Le maire écarlate défait sa cravate, il a le cœur chaud. Et monsieur le vicaire cherche une prière pour ces moments-là, tandis que grand-père trouve dans la bière l'écho d'autrefois. Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se dévorent des yeux avec les doigts. Nous aurons beaucoup d'enfants, et le premier justement, avant qu'il ne soit longtemps. Un petit gamin, voilà qui s'éloigne avec sa compagne. Ils n'ont pas sommeil, les célibataires et leurs cavalières feraient bien pareil. Là où la fenêtre se ferme à la fête, adieu les petits, plongés dans la bière, tandis que grand-père continue sa vie. Mais les petits amoureux, comme ils sont loin de tout ça, ils se dévorent des yeux avec les doigts. Nous aurons beaucoup d'enfants, et le premier, justement, avant qu'il ne soit longtemps, un petit garnement. Alors s'il vous plaît, oui, garçon. Alors, on est combien? On est 7, ça nous fera 14 bières, s'il vous plaît. Il faut bien ça pour des souvenirs de Bavière. Qu'elle était bonne. Sorgia FM. Sorgia. Quand le jour se lève, je me réveille sans toi. Dans mon cœur, je me dis que là-bas, et peut-être au même instant, tu penses à moi. Je t'aime. Petit matin, blafard, cafard, et toujours envie de toi. Je savais que ça serait galère, mais ma vie sans toi, c'est devenu l'enfer, misère. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air, mais il y a comme un changement dans l'atmosphère. Je t'aime. Dans mon auto, bouchon, klaxon, envie de pleurer. La radio joue des chansons d'amour, et ces mots d'amour ne parlent que de toi. Problème. Je t'aime. La suite de la sélection de Christophe Pesset, voici toujours Alain Musichini et cette belle version de l'Ave Maria. Alain Musichini. Thank you.

Et puis voici maintenant cette belle chanson interprétée ici par Jérôme Robert. Voici No More Bolero. Rappelle-toi, il y avait une place vide dans nos cœurs. Ce soir-là, nous cherchions l'un et l'autre sans doute le bonheur. Sous les étoiles qui ne semblaient briller que pour nous, on a dansé. Tout simplement sur une mélodie, notre histoire a commencé. Non, mon bonheur. No more bolero. Oui, souviens-toi, c'était hier et le temps s'en va plus loin. Reste une mélodie et ses mots. Je t'aime. Non, mon bolero. Il revient toujours dans notre vie. Et pour toi ce soir, non, mon bolero. J'ai envie de dire ti amo. Ti amo, redis-moi ti amo, garde-moi ti amo, même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri, entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie. Sans toi, je ne serais plus moi. Je l'enviais, je t'aime. Comme l'oiseau déploie ses ailes, tu t'envoles vers elle. L'amour n'est qu'un letto si fort. Ci ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo, e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta un guerriero di carta igienica. Ti amo de tout mon être, mon cœur, mon corps et ma tête. tête. Je crains toujours tes peut-être. Dans mes ennuis. Voici quelques roses, rien que pour vous, interprétées par Arlette. Et d'illusion, il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans ses printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Le jeune homme est venu la voir tous les samedis, et puis bien plus souvent tous les après-midi. La fleuriste à présent connaît tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va ce bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Un jour, en préparant son éternel bouquet, elle lui dit gentiment: vous savez, je m'en vais. Je me marie demain, je ne vous verrai plus. Mais je vous aime bien, voici des roses en plus. Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir. Si belle, gardez ce bouquet, c'est vous que j'aimais. Thank you. par mes rendez-vous n'existait jamais. C'était pour vous voir. Vous êtes si belle. Gardez ce bouquet. C'est vous que j'aimais. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Don. C'est du charabia. Tout ce que tu me dis, tout ce que tu m'écris, pour moi c'est du chinois. Patati patata. Tes secrets, tes mystères, tout cela m'exaspère. C'est du charabia. Tu joues la comédie, toute à ta fantaisie. Tu te moques de moi, patati patata. Tes histoires, tes micmacs, j'en ai vraiment ma claque. C'est du blabla, tu dis n'importe quoi. C'est du blabla, je ne te comprends pas. C'est du blabla, tu grognes, tu aboies. C'est du blabla, t'es comme ton chihuahua. Que tu veux, tout cela est curieux. Tout ça n'est pas très clair, vraiment tu exagères. C'est du blabla, tu dis n'importe quoi. C'est du blabla, je ne te comprends pas. C'est du blabla, tu grognes et tu aboies. C'est du blabla, t'es comme ton chihuahua. Superflu, tes petits mots d'esprit, il faut que tu les oublies. Ton humour à deux balles me casse le moral. C'est du blabla, tu dis n'importe quoi. C'est du blabla, je ne te comprends pas. C'est du blabla, tu grognes et tu aboies. C'est du blabla, t'es comme ton chihuahua. Maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Don. Allez, il est temps de se dire au revoir pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même station, même heure. Au revoir Christophe, Arlette, Hubert et tous les auditeurs. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. À bientôt et puis au revoir Arlette. Allez, au revoir à tous. Passez une bonne semaine et à bientôt. Nous danserons ensemble. Nous danserons, tu as raison Arlette. Merci encore pour votre fidélité. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Sorgia FM.